Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, est-ce que ça cravache ce matin ? Wesh, gros ! Et pourtant, ma nocturne électorale fut prise d'assaut et en rafale, à tel point que maintenant, ma corbeille essonne le glas municipal pour un vieux marchand d'armes. Quoiqu'aujourd'hui, ce sont plutôt la rose et l'orange qui portent le deuil du scrutin. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient ce matin ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce dossier Epsilon numéro 41 est un adepte de la Priapé. Priapé ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Un lascar de la Beat Generation ? Jack Kerouac, c'est le paradis. Et c'est plutôt un sale paradise. Allez, moi, je vous propulse sur la route, à la recherche des briques. Attention, c'est parti ! Marquis. Marquis ? Marquis de Carabas, le chaboté Arlette Chabot. Allez au diable. Et pour vous, l'enfer sera pavé de briques. Alors écoutez bien, soubrette. Soubrette ? Soubreptissement, incognito, inconifère, ça sent le sapin, c'est Omar Bongo. Et sans Bongo, t'as plus rien, c'est ce que craint la France-Afrique, mais moi, je vous bacchiche la dernière brique. Attention, boudoir. Ah, ok doc, le marquis qui s'éclate dans le boudoir avec ses soubrettes, nous nous penchons évidemment ce matin sur le sulfureux dossier de Monsieur Sade. Alors allons-y, professeur Mauduit, et étudions dès à présent le cas de ce formidable écrivain libertin. Maniez-vous le train, les sybarites, et apportez au labo le dossier de Monsieur Sade. Allez marquis, à table. 11 heures sont maintenant passées. Dans quelques instants, vous pourrez entendre La Liberté Coupable. Nous rappelons que cette émission s'adresse à des auditeurs avertis. C'est vous qui avez demandé le service sado-maso ? Oui, c'est moi. Je suis désolé, je n'ai que sado. Maso est absent. C'est insensé ? Je peux vous proposer sado et Marcel. Sûrement pas. Vous vous foutez du monde. Comme vous voudrez, monsieur. C'est drôle, j'arrive jamais à le caser Marcel. Pourtant, il est plus douillet que Maso. Je comprends pas. Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Savez-vous, cher monsieur, ce que Napoléon pensait de Justine, par exemple, l'une de vos œuvres perverses les plus célèbres ? Eh bien, dans ses mémoires, recueillies à Sainte-Hélène par Lascaz, l'empereur dit ceci : « C'est le livre le plus abominable qu'ait enfanté l'imagination la plus dépravée. » Certes, cette sentence est effrayante, mais également alléchante. Alors sans plus attendre, débutons notre analyse par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous turlupine précisément au cœur de la structure mentale de cet incorrigible marquis. Bien voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est la condamnation précipitée et quasi systématique des pratiques alternatives de notre patient. Et pourtant, derrière son algolanie, que certains jugent éminemment pathologique, le marquis de Sade, lui, avait conscience qu'il faisait avancer la science. Sade avait pleine conscience de son algolanie. Algolanie, cela signifie sadomasochisme. Laquelle s'est manifestée par des actes tout à fait significatifs, mais qui ont toujours été très loin, on ne saurait trop le redire, de menacer sérieusement la santé et à plus forte raison l'existence de ses victimes. À nos yeux, le marquis de Sade est un homme doué avant tout d'une imagination scientifique géniale, semblable au naturaliste Cuvier, qui d'un simple ossement fossile savait déduire une organisation animale complète, le marquis de Sade, à partir des phénomènes rudimentaires de son algolanie effective auxquels il faut cependant ajouter les actes dont il a pu être témoin, a édifié sans le secours d'aucun précurseur et en atteignant du premier coup à la perfection un musée gigantesque de la perversion sadomasochiste, entreprise qui, pour se trouver revêtue de tous les prestiges de la poésie et de l'éloquence, ne s'en présente pas moins sous le jour de la discipline scientifique la plus consciente et la plus efficace. Eh oui, qui l'eût cru ? La précision et la rigueur des expériences sadiennes appartiennent à la même noblesse que les recherches scientifiques de Louis Pasteur ou d'Albert Einstein. Cela dit, si le marquis, lui, a consacré toute sa vie à sonder les profondeurs de l'obscurité humaine, ici, nous avons 53 minutes, pas une de plus, pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic, afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre patient réellement sadique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux, à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre aristocrate débauché par une reprise bien ficelée. I shot the sheriff, but I did not do the deputy. No, no, no, no. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I'm telling you so. All around in my hometown, they are trying to track me down. They all think they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, ah! I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. I gotta protect myself, you know. I shot the sheriff, but they say it was a capital offense. Yeah. Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. Every time that I planted a seed, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. But I say, I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense, and I'm not lying either. I shot the sheriff. I repeat, I gotta tell you again, it wasn't self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town. All of a sudden, I see that Sheriff John Brown with his pistol trying to shoot me down. So I shot him. I mean, I shot him down, but I say, woo! I shot the sheriff, c'était Screaming Jay Hawkins en 1997, qui a tué le sheriff, mais qui n'est pour rien pour quant aux députés européens, dit madame. Il y a à partir d'un certain moment une nécessité pour la sensibilité de faire appel aux troubles. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Mais malgré cela, n'est-ce pas, le trouble ne signifie pas le malheur, ne signifie pas le noir. Avant tout, le ministère psychique adresse ses remerciements troublés à notre éminent confrère, le professeur Georges Bataille, pour son analyse du trouble noir, une introduction éclairante à la psyché de notre patient, le divin marquis de Sade. Donatien Alphonse François de Sade est né à Paris le 2 juin 1740. Issu d'une illustre famille provençale, très en vue dans l'entourage du prince de Condé, Donatien possède tous les atouts pour réussir, avec une éducation solide au collège Louis le Grand, alors tenu par les jésuites, et surtout avec des appuis puissants. Mais tout cela, C'est sans compter sur sa vie dépravée qui le conduit quelques mois après son mariage à être enfermé, sur ordre du roi, dans le donjon du château de Vincennes. Oui, Sade, c'est une belle collection de scandales, comme par exemple en 1768, quand il invite la jeune Rose Keller dans sa maison d'Arcueil. Monsieur de Sade se saisit d'une verge et fouette la fille hardiment. Rose Keller pousse des cris. Le marquis lui montre un couteau, fait serment de la tuer. La victime retient ses plaintes. Monsieur de Sade la flagelle à 5 ou 6 reprises, faisant alterner la verge et le martinet de cordes à nœuds. 2 ou 3 fois, il s'arrête pour frotter les écorchures avec une pommade, mais aussitôt après, il se remet à frapper sans rien perdre de sa vigueur. Comme Rose Keller implore sa pitié et le supplie de l'épargner parce qu'elle ne veut pas mourir sans avoir fait ses Pâques, il lui dit que cela n'importe que fort peu et qu'il la confessera lui-même. Cependant qu'elle essaye encore de l'attendrir, les coups se font plus nerveux et plus rapides, et soudain, le flagellateur jette des cris très hauts et très effrayants. C'est l'orgasme. Et des orgasmes scandaleux, Sade les accumule, au point qu'il est à nouveau enfermé, toujours sur ordre du roi qui, répondant aux demandes des familles alliées au Sade, accepte de le libérer à la seule condition que le marquis demeure sur ses terres, dans le château familial de Lacoste, dans le Luberon. Pourtant, là-bas aussi, Sade fait peur. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Oh God. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Mais hélas pour le marquis de Sade, toutes ces gentilles victimes ne sont pas muettes et les charges s'accumulent contre lui. En 1772, c'est l'affaire de Marseille, où il mélange ses pratiques étranges à des aphrodisiaques, à tel point que le Parlement de Provence, autrement dit le tribunal, condamne le marquis de Sade et son valet à la peine de mort. Le marquis entame alors une cavale, qu'il transforme quelque peu en tourisme sexuel, bien sûr. Mais de retour en France, c'est évidemment l'arrestation sur lettre de cachet. Commence alors pour Sade plus d'une dizaine d'années de captivité à Vincennes, mais surtout à la Bastille, où là encore il écrit Justine, par exemple. Mais c'est sa correspondance qui nous en apprend le plus sur la psyché de cet étrange marquis. Car quand on lit la correspondance, on s'aperçoit petit à petit des effets de la prison sur Sade. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Et on s'aperçoit que ce qui est pour l'extérieur la réalité devient pour lui très très rapidement complètement symbolique. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort. Et c'est ainsi qu'il a pu, étant donné qu'il est complètement enfermé, que donc son seul point de repère, ce sont ses fantasmes, ce sont ses manques, donc ses fantasmes, à partir de ça, il a pu fuir par l'écriture en les mettant sur le papier, car c'était pour lui la seule possibilité de survivre. C'est la fête à la prison, c'est la chouille, chouille, chouille dans les cellules. Allez, tout le monde fait la fête. Les tolards et les matons, ce soir tout le monde noctambule. Allez, allez. C'est la fête à la prison, on oublie les peines et les rancunes. Serpentins et cotillons, chacun danse avec son chacun. Ah ben oui, mettre Sade en prison, c'était lui offrir l'obligation de cultiver tous ses fantasmes. Et quand il est libéré en 1790, grâce à la Révolution, Sade tente de s'investir dans la vie politique foisonnante du moment et il essaie même de faire oublier son passé. J'ai passé 15 ans dans les prisons, victime du despotisme royal. Pour quelle raison y étais-tu ? l'arbitraire qui régnait alors sur la France frappait en aveugle tous les amoureux de la liberté. J'ai été vice-président de la section des Piques. J'ai parlé en son nom à la Convention. J'ai rédigé un éloge de Marat et de Le Pelletier. Tu parles et tu écris beaucoup. Tu es homme de lettres, dis-tu. Connais-tu ce livre ? Non. Le tribunal a fait justice de son imprimeur, il a été guillotiné. Le sais-tu ? Non. Hélas, pour le marquis de Sade, sa réputation lui colle au basque. La France a changé, mais les mentalités évoluent bien plus lentement que les régimes politiques. Sade est toujours considéré comme un dangereux pervers, un homme qu'il faut exclure du corps social, car il risquerait de le corrompre, de le torturer, de le fouetter, voire de le sodomiser. C'est pourquoi le marquis de Sade est enfermé, sur décision administrative, dans la prison des fous de Charenton, où il meurt le 1er décembre 1814. Le pouvoir en place a tout fait pour supprimer les ouvrages de Sade, scrupuleusement interdits, mais aussi pour effacer des mémoires la personne physique du marquis. Oui, il fallait oublier qu'un marquis de Sade avait pu exister. Malheureusement, le marquis de Sade partage avec cet autre grand seigneur du langage, le comte de Lautréamont, un insolite privilège à eux seuls réservé dans l'histoire de la littérature des 3 ou 4 derniers siècles. Il n'existe pas de portrait du marquis de Sade, non plus que de portrait de l'auteur des Chants de Maldoror. Et pour connaître son physique, on en est réduit à consulter des rapports de police ou des témoignages de gens qui ont été mêlés aux affaires libertines. Que disent ces rapports ? Il en résulte ceci, sa taille était d'1m69. Taille moyenne. Taille assez grande pour l'époque. Oui, les gens étaient petits. Ces témoignages se rapportent à l'âge de 25 ans. Il avait déjà une espèce de tendance à l'embonpoint. À la suite de la longue captivité qu'il a subie, le manque d'exercice a fait que cet embonpoint s'est encore augmenté. Ce qui caractérisait son visage, c'était des traits extrêmement fins. Des traits extrêmement fins qui caractérisent son visage, voilà sans doute un portrait de Sade que l'on n'attendait pas. Alors maintenant, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Sade demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, ce n'est pas sans une certaine inquiétude que nous recevons ce matin le marquis de Sade. Personnage évidemment très inquiétant, voire terrifiant. L'auteur de Justine est éminemment sadique. C'est une lapalissade. Et qui n'a palissade juste une fois dans sa vie ? Et confessons-le sans remords et 120 journées de Gomorre, car si... Oh. Professeur Colin, s'il vous plaît, lâchez ce fouet pendant que je parle. Laissez tranquille l'interne psychédélique. Écoutez-moi. Professeur Colin, Sade avait du talent. Et le talent a cela de magique qu'il transforme les individus. Ainsi, Sade, sans talent, n'est rien qu'un terrible dépravé qui défraie les gazettes et qui effraie les jeunes femmes dont Sade s'amuse. Mais Sade, c'est la muse de la littérature qui le sauva. De son côté, Laure de Sade fut la muse de Pétrarque au XIVe siècle, quand le poète italien se baladait dans la région d'Avignon et... Oh. Professeur Colin, s'il vous plaît, je vous en prie, cessez de fouetter les gens pendant que je parle. Vous savez, c'est une bien étrange glissade qu'a subi le nom de Sade, passé de la chaste Laure de Sade, amoureuse platonique de Pétrarque, au marquis de Sade, le plus terrible des pervers. Le divin marquis a passé une bonne partie de sa vie en prison, où il a d'ailleurs développé des perversions protéiformes. Par exemple, 2 juillet 1789, alors que le vent de la révolte souffle sur Paris, de sa cellule de la Bastille, côté nord de la forteresse, le marquis de Sade, avec un porte-voix improvisé, chauffe les passants en hurlant que, dans la prison royale, on torture et on assassine. Cela était faux, mais Sade réussit tout de même à exciter les badauds. Il faut dire qu'il avait de quoi être énervé, puisqu'il était enfermé à la Bastille depuis 1784, sans jugement, simplement par une lettre de cachet, et qui ne coupa aucunement ses ardeurs sexuelles. La lettre de cachet à laquelle ne coupa pas dernièrement Julien Coupa, une mesure d'un autre temps difficilement acceptable, professeur Colin, action. Oh. Merci. Voilà, embastillé à la Bastille, encore une la palissade, Sade a titillé l'absolutisme. Mais il quitta la forteresse royale quelques jours avant, le 14 juillet, pour la maison des fous de Charenton. Bon, écoutez, professeur Colin, je suis vraiment heureux de constater que ce matin, ce n'est pas une passade, vous êtes le parfait ambassadeur du marquis de Sade. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Petit trouble psychophysiologique avec douleur lombaire le matin au réveil. Cela dit, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, cet écrivain qui galope à moitié nu. Et si elle trotte les secondes, si je galope à moitié nu, un demi-vécu, l'hécatombe. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue, découvrir mes catacombes. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Bravons la mer si profonde, goûtant le sel et l'amertume. Mes idées noires se dévergondent. Élégant mon costume de plume, quoi qu'en craque la vertu, laissant mes entrailles en plein trip. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Je suis l'homme de ton âme, tu es l'homme de mon M. Je suis M, tu es M. Je suis M, tu es M. Si ton cœur pulse les secondes, m'aimeras-tu dans mon salut, les seules minutes vagabondes avant de me manger toute crue. Tout seul dans la reine, je suis le roi des ombres. Tout seul dans la reine, maître de l'hécatombe. Tout seul dans la reine, je rêve. Chédide. Mais revenons immédiatement à notre divin marquis, le roi des sombres plaisirs. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Bien. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur l'existence déchaînée de notre incorrigible patient, il est temps, me semble-t-il, d'approfondir notre analyse pour essayer de mieux comprendre comment ce jeune aristocrate de province est devenu ce dangereux individu dont l'état de démence libertine était perpétuel, comme l'écrivait en 1804 le préfet de police Dubois dans son rapport au redoutable ministre Fouché. Eh bien, devant l'ampleur des pulsions effrénées qu'a développé le marquis, il faut avant tout, bien entendu, scruter un peu plus encore l'enfance de notre patient et commencer par ne jamais sous-estimer cette information essentielle que voici. À l'âge de 10 ans, le petit marquis a quitté la Provence, est allé à Paris et est entré comme pensionnaire au collège d'Harcourt, autrement dit Louis le Grand, dirigé par les jésuites. Eh bien, les jésuites sont d'excellents éducateurs et ça, nul ne l'ignore. Est-ce que cette influence a été très grande sur le comportement du jeune marquis? Car on dit qu'un élève, un enfant éduqué par les jésuites, toute sa vie restera un enfant élevé par les jésuites. Cela me surprend un peu, parce que quelque influence que puissent avoir ses pères, je ne pense pas qu'ils puissent régir aussi fondamentalement le caractère de quelqu'un. Tout le monde en France serait jésuite, alors, du moins au temps de Louis XV. Mais certainement, votre question est intéressante, parce que les jésuites étaient d'excellents professeurs de rhétorique, le langage, l'éloquence, avaient une grande importance pour eux, et je pense que c'est chez les jésuites que Sade a pu puiser son amour du beau langage. En effet, les jésuites sont de beaux parleurs. Mieux que personne, ils maîtrisent l'art de la rhétorique et, dans leur lutte contre Belzébuth, parfois même, ils n'hésitent pas à s'approprier les vices de l'ange déchu. Résultat, il n'est pas anodin de souligner que le marquis, considéré comme un suppôt du diable, fut dans sa prime jeunesse un disciple de la compagnie de Jésus où, sans aucun doute, on lui enseigna combien les voies du Seigneur sont impénétrables. T'as qu'à croire, on connaît la suite. Néanmoins, attention, l'émancipation sadienne fut une longue initiation, car vois-tu, à l'âge de 18 ans, notre jeune marquis était encore tout pétri de la morale chrétienne, et lorsqu'il se laissait submerger par ses premiers fantasmes, franchement, nous étions alors bien loin des frasques de Justine. Voici l'histoire de Justine, ou les infortunes de la vertu. Oh, Justine, tu m'entends ? Je te laisse parce que je vais être en retard moi aussi. Oui, moi. Ça y est, je l'ai vu. Ah oui, ça c'est lui. Oh là là, qu'il est chou. Juliette et Justine, filles d'un gros commerçant de la rue Saint-Honoré, vivaient depuis de longues années dans un couvent. Alors les filles? Quel désordre. Vous faites quoi au juste? Des heures supplémentaires? Ça fait une demi-heure qu'on vous attend, hein. Pourquoi faire ? Autant l'une était coquette, insolente et perfide, autant l'autre était effacée, douce et d'une ingénuité sans pareille. Vous venez pas avec nous, Juju ? Oh, t'as déjà dit de ne pas l'appeler Juju. Dites les garçons, si vous nous lâchiez un peu les baskets. Le bon est très souvent meurtri par les épines de la vie, alors que le méchant en cueille les roses. Laisse tomber, quand ça commence comme ça, vaut mieux prendre le large. À tout à l'heure. Eh oui, avant de devenir le parangon des sulfureuses passions, Sade fut un adolescent un peu mièvre, voire coincé du bulbe. Mais alors que s'est-il passé pour que le marquis découvre les étendues infinies du vice ? Certes, il y avait un terreau favorable, puisque son paternel fut un coureur de jupons patenté très tenté. Cela dit, il y eut surtout un événement majeur qui a tout déclenché. Le 17 mai, 1763, Sade fut marié à l'héritière des Montreuil, la fille aînée d'une petite noblesse de robe. Dans les premiers mois du mariage, cette femme fut dévouée à son époux et d'ailleurs, leur tendre amitié paraissait bien réciproque. Mais à l'époque, Donatien Alphonse François, DAF pour les intimes, ne connaissait rien d'autre que la position du missionnaire. Nous étions alors bien loin du Daft Punk qu'il est devenu par la suite. Et justement, c'est au mois d'octobre de la même année que du jour au lendemain, Sade bascula dans l'aventure de la débauche lorsqu'il fit la connaissance de Jeanne Testard, une femme à poigne qui fut une révélation traumatique pour le marquis. Il est parfois des rencontres essentielles qui révèlent en nous la nature des choses. Venons-en alors à sa première affaire, l'affaire dite Jeanne Testard. Sade, à l'époque, a 23 ans. Cette affaire se passe dans la nuit du 18 au 19 octobre 63. Voici les principales actions qui ont caractérisé cette nuit du 18 au 19 octobre. Je suis ici pour témoigner que depuis que j'ai rencontré Chouchou, ma vie a changé. Avant, j'étais introvertie, pas heureuse, mal dans ma peau. Lui a réveillé ma féminité. C'est l'Attila du sommier. C'est 9 semaines et demie, tous les soirs. Je suis heureuse, comblée. Moi, je pense non, que... Non, tu ne penses pas. Tu m'aimes. Et tu t'assieds. Déshabille-toi. Maintenant ? Tout de suite. Ainsi, Jeanne Testard offrit au marquis une éducation sentimentale toute particulière. Et, sous l'emprise des sens, Sade prit conscience de sa formidable capacité à réveiller chez les autres leurs pulsions les plus enfouies. Cela dit, notons au passage que la toute première expérience sadienne fut masochiste. Ah, forcément, c'est ce célèbre précepte jésuite qui consiste à tout essayer pour ensuite pouvoir en parler avec précision, bien sûr. Mais une fois ce rôle de la victime endossé, Sade put se consacrer pleinement à devenir le maître du donjon. Et ce fut pour lui le début d'une intense réflexion morale et politique sur les rapports de force dans la pratique du plaisir. De ses multiples expériences alternatives, Sade nous offrit alors une littérature d'une toute autre envergure. Allons-y donc pour une histoire. La femme de 20 ans, grosse de 3 mois, est juchée par eux sur un piédestal de 8 pieds de haut. Ne pouvant poser qu'une jambe, elle est obligée d'avoir l'autre en l'air. Une gaule flexible lui est donnée pour la soutenir. Il est aisé de voir d'un côté l'intérêt qu'elle a de ne point choir, de l'autre l'impossibilité de garder l'équilibre. C'est cette alternative qui divertit les moines rangés tous les quatre autour d'elle. Ils ont chacun une ou deux femmes qui les excitent diversement pendant ce spectacle. Toute grosse qu'elle est, la malheureuse reste en attitude pendant près d'un quart d'heure. Les forces lui manquent enfin. Elle tombe sur les épines et nos scélérats, enivrés de luxure, vont offrir pour la dernière fois sur son corps l'abominable hommage de leur férocité. Bien que peu versé dans les nouveautés littéraires, votre récit m'a paru sublime. Quelle intuition, quelle sensibilité. Madame, vos compliments vont droit au cœur du malheureux écrivain sans lecteur que je suis. Si vous ne l'en jugez pas indigne, la pauvre Justine trouverait une douce consolation à l'écoute de vos autres ouvrages. Curieux catéchisme, enseigné à ses soubrettes par cet ancien disciple des jésuites. Et, à ce propos, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, que les pulsions sadiennes sont justement très orientées contre la doctrine de l'Église. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression afin de mieux appréhender l'essence anticléricale de cet esprit libertin. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, viens, n'aie pas peur. Démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Mes bien chers frères, professeur, pardon, l'égaré du jour serait donc ce sacré Sade. Eh bien, sachez que pour ce dossier chaud bouillant, il a fallu aller au-delà des clichés pour révéler la pathologie du marquis. Et c'est dès son enfance bénie que se situe le motif de ce psychisme pour le moins torturé. Il faudrait, je crois, resituer le marquis de Sade dans son époque. Alors comment le définiriez-vous ? Je crois que c'était un homme qui était très, très malheureux. Je crois que personne ne s'est occupé beaucoup de lui. Le premier personnage était l'abbé de Sade, son oncle, qui était vicaire général de Toulouse et qui avait une vie dissolue. Et être élevé par tonton l'abbé le dépravé, c'est un peu choisir entre pénitence et jouissance. Et oui, ce fut un choix cornélien pour le jeune Donatien. Et si Sade est connu pour avoir basculé du côté obscur de la force, il a tout de même tenté de se tourner vers Dieu. Tout est tellement plus simple quand il n'y a pas d'histoire de fesses. Oui, je remercie le Seigneur de cette belle expérience. Tu commences à l'éprouver. Quoi ? L'abstinence. Elle te sert dans son étau. Non, pas du tout. Je suis bien. Tu sais de quoi je me prive pour le carême ? De viande. Tu devrais commencer par ça. Crois-moi, le célibat, c'est un très long cheminement. C'est de la volonté et de la discipline. Je crois savoir que tu pêches un peu de ce côté-là. Et pourtant, incroyable mais vrai, le marquis sut relever tous les défis et faire la preuve de sa foi en Dieu. Ainsi, dès 1775, lors de son exil en Italie, Sade se rendit à Rome et y rencontra le pape Pie VI pour y recevoir, attention respect, la distinction pontificale. Jurez-vous fidélité au noble dessein de notre ordre pour donner tous vos soins aux pauvres, aux indigents et aux malades, je le jure. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. que la bénédiction du Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende en votre cœur et demeure en votre cœur pour toujours. Ainsi soit-il, pas vraiment. Parce que si Sade a fait abstinence de bien des choses comme tout bon chrétien qui se respecte, le marquis commence à sérieusement à regretter certains plaisirs. Pourquoi vous avez mis des bannières à l'entrée ? C'est carême. Ça commence aujourd'hui. Ah, qu'ils vont être longs les 40 jours de cette année. Je vais devoir renoncer à mon unique vice. Eh oui, adieu mes jolies madeleines, vous qui êtes tellement délicieuses trempées dans un mocha. C'est difficile de se priver de ce qu'on aime le plus. Mais se priver de Madeleine fut pour Sade la goutte d'eau bénite qui fit déborder le vase. Ainsi, profitant des événements de la Révolution, Sade se rallia à la tendance du moment et défendit fermement le principe de déchristianisation, en tournant en dérision le pape Pie VI dans l'histoire de Juliette, mais aussi face à la Convention, le 15 novembre 1793, lorsqu'il présenta sa pétition anti-religieuse. « Je répondrai à ces culs coincés d'une France rance que, tutoyant Dieu, je m'autorise sans état d'âme à tutoyer son concierge. En tant que père, frère et citoyen du monde, je demande la traduction de ton auguste personne, grand dealer cosmogonique, devant un tribunal céleste pour criminelle propagation de la pensée inique. Ils sont des milliers, des millions, qui, pour être chrétiens, n'en sont pour autant pas crétins, te crient, te supplient, t'intiment, t'ordonnent, pour l'amour de ce Dieu dont tu te prévaux, de te coincer la bulle une bonne fois pour toutes et nous foutre la paix sur la terre comme au ciel. Amen. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation sadique qui nous révèle ce matin que le marquis fut à la fois pervers mais aussi prêcheur à sa manière, auteur d'un catéchisme de la perversité où il désirait avant tout abolir la distinction du mal et du bien. À l'époque, ce fut un véritable cataclysme dans la société et pourtant, la réflexion sadienne n'est rien d'autre que le miroir de la dualité qui nous constitue toutes et tous. Alors heureusement, aujourd'hui, on accepte que tu puisses enseigner Sade aux enfants. Il y avait une fois une fée qui s'appelait Juliette. Elle était douce, gracieuse et belle. Et on la nommait encore la fée aux pommes, du nom des deux pommes qu'elle portait toujours sur la poitrine. Ses fruits étaient ronds et d'une bonne odeur, et elle les offrait à tous ceux qui demandaient à pouvoir les savourer. Or, bien que chacun y mordît, les pommes n'en étaient pas moins toujours pleines et entières, et d'une forme parfaite. Dans ce même pays où la fée résidait, il y avait aussi un ogre qui se nommait Saint-Fon. C'était un affreux méchant qui semait la désolation partout où il venait de passer. Il était armé d'un large poignard de 14 pouces et demi, qu'il portait attaché à son corps, et qui était l'instrument au moyen duquel il perpétrait ses horribles forfaits. Mais on racontait sur ce poignard encore bien d'autres merveilles, comme par exemple que, lorsqu'il était hors d'usage, il était flasque et mou, comme s'il n'avait été que la gaine de peau qui l'enfermait. Mais chaque fois qu'une victime se présentait devant l'ogre, le terrible poignard se gonflait démesurément, jusqu'à crever le fond de la gaine, et il se dressait alors avec tant d'énergie qu'il entraînait irrésistiblement l'ogre, né bon, qui devait ainsi participer bon gré mal gré aux méfaits auxquels le contraignait son arme magique. Bien, après avoir découvert à l'instant que la psychanalyse des contes de fées peut aisément s'appliquer à l'œuvre de Sade et qu'il faut aussi avoir conscience que les enfants n'échappent pas à l'angoisse de ces obscures pulsions, il est temps dès à présent d'entamer l'ultime partie de notre analyse afin de pointer les résurgences contemporaines de la psyché de notre patient dans notre société où le plaisir ne cesse malheureusement d'être vilipendé. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre patiente éminemment politique au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin « Le vicomte contre le marquis » et dans laquelle nous avons mobilisé deux imaginaires concurrents afin de saisir pleinement la puissance politique de la philosophie sadienne pour éviter de la réduire uniquement à des pratiques sexuelles perverses et immorales. Hé, l'expert Jungien, rappelez qu'on a beau, ça fouette ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Monsieur le Marquis, ravi de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de vous. Voilà 628 jours que je réclame cette entrevue. Pour débattre avec un puissant imaginaire du mal qui est celui de Sade, le pari de lecture que je fais, c'est de mobiliser des imaginaires concurrents. L'invité ce matin, Philippe de Villiers, candidat du patriotisme qui propose à nos compatriotes de retrouver la fierté d'être français. Je dénie à la société le droit de régir ma nature, puisque moi-même je refuse d'asservir mes passions et mes envies. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on va faire régner le droit si on accorde des droits à ceux qui ne respectent pas le droit? Vos droits sont scélérates, et même à l'intérieur de ces murs, je continuerai à m'y opposer. Bien moi je propose un véritable protectionnisme européen. Sade forge même un terme pour désigner cette absence d'altérité, c'est l'isolisme. Je veux un renouveau des valeurs civiques et morales. Je veux enfin affirmer l'autorité de l'État face au désordre et face au communautarisme. On se demandait à certaines époques s'il ne fallait pas brûler Sade. Aujourd'hui, non seulement on ne le brûle pas, mais on le lit. Mais reste la question effectivement, comment le lire ? Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir. J'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. Moi, j'attends de nos gouvernants qu'ils établissent l'ordre, l'autorité et aussi la liberté là où elles doivent être. La plus belle qualité de la nature est le mouvement qui l'agite sans cesse. Ce mouvement n'est qu'une suite perpétuelle de crimes. La vie du plus sublime des hommes n'est pas à la nature d'une plus grande importance que celle d'une huître. Je suis président du Conseil général de la Vendée, ça me passionne. Je suis entrepreneur sur mes temps de loisirs au Puy du Fou, ça me passionne. Je fais des scénarios, etc. Donc je n'ai pas de besoin particulier et je ne suis pas un carriériste. Ah, je suis toute remuée. Monsieur, vous avez dû souffrir pour décrire aussi justement la bassesse de l'âme humaine. Oui, nous avons souffert, mademoiselle, pour essayer à l'instant de décrire aussi justement que possible ce à quoi le marquis s'opposait dans sa réflexion empirique. Car il ne faut jamais oublier qu'avant tout, la littérature de Sade pourfendait les contraintes morales dans l'espoir de voir triompher le plaisir afin d'exalter la liberté. Sans aucun doute de manière excessive, mais cet excès fut un moyen de lutte efficace pour imposer ses opinions au cœur d'une société réactionnaire. Évidemment, les œuvres de Sade peuvent effrayer le lecteur, mais pour dédramatiser les choses, il ne faut jamais omettre la passion de Sade pour le théâtre. Il y a sous sa plume une évidente théâtralisation du fantasme, une mise en scène de la violence, qui n'appartient pas forcément à l'ordre du réel. Sade désire surtout nous faire comprendre qu'il vaut mieux intellectualiser ses pulsions plutôt que d'augmenter nos frustrations. En creux, le marquis nous propose un défouloir, soit imaginaire, soit réel, mais là, attention, uniquement entre adultes consentants. Philippe Séguin est un homme qui... qui est tout nu, là. C'est bien ça, il est tout nu. Mais oui. Excusez-moi, Larvor. Pourquoi qu'il est tout nu? Ah, je sais pas. Il fait ça tout le temps. Il appelle ça sa campagne à handicap. Il veut qu'on l'aime pour lui. Je sais pas. Ah, oui. Ah, vous savez, c'est rigolo, mais d'ici, on ne voit pas si c'est un garçon ou une fille. Oh, maître, je suis à toi. J'ai toujours été à tes côtés. Ouais, c'est vrai. Chaque fois que j'ai eu des emmerdes, t'étais là. Oh, excuse-moi. Tout est de ma faute. Oh, oh, punis-moi. Bon, qu'est-ce que je fais, là? Ben, frappez-le. Oh oui, essuie tes chaussures sur mon dos. Oh, oh ouais, vas-y, ouais. Oh, oh. Ah putain, ouais, tout est de ta faute. Oh pardon, oui. Non, non, non, monsieur Chirac, là, doucement. Ah, mais non, j'aide un ami. Mais c'est pas ça, mais laissez-le un peu pour les électeurs. Oui, La philosophie sadienne concerne tout le monde, sans différence d'âge, ni de sexe d'ailleurs. Elle se niche à peu près partout, y compris sur des terrains un peu plus inattendus. Et pourtant, à la réflexion, c'est une évidence. Nous passerons deux jours ensemble, deux jours délicieux. Dolmancé et moi, nous placerons dans cette jolie tête tous les principes du libertinage. Ah, Tesseire, Delegue et Orsoni, ils n'ont pas froid aux yeux, ils ne sont pas du tout contractés d'ailleurs, ça ne les émeut pas du tout. Dolmancé, déshabillez vous-même la victime. Je vais donc le voir, ce cul divin et précieux que j'ambitionne avec tant d'ardeur. Attention, il faut prendre ce ballon, tenir le ballon, laisser courir le temps, 20 secondes à tenir, tenir le ballon, rester debout. Il la met nue et ses premiers regards se portent aussitôt sur le derrière. Sacre Dieu, quel embonpoint de fraîcheur, quel éclat et d'élégance. Je n'en vis jamais de plus beau. Garde le ballon, tenez le ballon, tenez le ballon, prenez le temps, restez debout. Dans quelque situation que se trouve une femme, Eugénie, elle ne doit jamais avoir d'autres buts, d'autres projets, d'autres désirs que de se faire foutre du matin au soir. Les Français sont obligés de gagner. Marquez un essai de la dernière minute. Ouais, bien joué, bien joué. Dispose-toi ainsi, Eugénie. Dolmancé, vous voyez que de la façon dont je la place, son cul vous reste. Gamaïchez-le lui pendant que son con va l'être par ma langue. Avec Boxis, avec Marty qui rafute dans les 22 mètres irlandais. Magnifique, magnifique. Dolmancé la baise sur tout le corps et lui donne de légères claques sur les fesses. C'est le panache français, c'est le panache des Bleus dans cette fin de match. Allez, Yannick, quel ballon. Il faut aller marquer cet essai. L'objet majeur, ce me semble, et que je décharge en donnant à cette charmante jeune fille le plus de plaisir possible. Boxis, à gauche, il est passé. Le ballon, c'est magnifique. Essai français, superbe. Je sucerai le trou de votre cul, et comme je viendrai de lui sucer le cou, vous déchargerez, j'en ferai autant. C'est le chaos de l'équipe de France. Il fallait marquer cet essai, le deuxième des Bleus. Les Français reprennent la main au score, un point d'avance. Ils se retirent, l'attitude se rompt. C'est fini, les Français ont gagné ici à Dublin. C'est fait, les trois coups de sifflet, les Bleus gagnent ici en Irlande. La crainte d'être monotone nous empêche de rendre des expressions qui, dans de tels instants, se ressemblent toutes. Bon, après cette curieuse philosophie dans le boudoir ovale, mais ô combien pertinente. Pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre redoutable patient, revenons immédiatement au sein de notre ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons plus que jamais long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques marquis de Sadienne. Alors comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute un brin sadique forcément, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouh, ouais, je t'aime bien, marquis de Sade. Pourtant, pour un marquis, tu fais pas dans la dentelle. Et quand on te lit, je t'assure, parfois on pâlit, Sade. Ouais, du côté du plaisir sexuel, on est loin de la bête à deux dos. On serait plutôt chez le poissonnier, du côté de la caisse aux poulpes. Ça tentacule de tous côtés. Sans parler des sodomitrailleurs, avec leurs fusils à deux coups. C'est pas facile de préserver son intimité. Ouais, Sade, t'aimes pas la religion. T'es plutôt du côté du service athée. D'ailleurs, t'as bien bu la tasse. Sade, t'aimes pas la vertu non plus. Tu trouves ça cucu. Et quand la vertu en prend un peu trop à son aise, c'est là que tu te pointes et que tu sers le vice. Ouais, on connaît Marcel Proust avec sa madeleine. Et y'a toi, Sade, avec ton boudoir. À chacun sa façon de tremper son biscuit. Mais comme le dit un proverbe Sherpa au Népal, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'Everest. Ouais, je suis trop con. Dévaste-moi et souffle-moi, envahis-moi et pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, et presse-moi, et puis